الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم إلى يوم الدين أما بعد فنحمد الله رب العالمين أكرم الأكرمين الذي يسر لنا صيام رمضان والعمل فيه في نهاره ولياله وما بكم من نعمة فمن الله وإن من علامة قبول العمل اتباع الحسنة الحسنة ومرسي الله سبحانه وتعالى celui qui nous a comblé de ses nombreux bienfaits, celui qui nous a permis de jeûner le mois de Ramadan et de faire de bonnes actions durant ce mois, et on lui demande d'accepter nos œuvres, car c'est lui le généreux subhanahu wa ta'ala. De plus, sachez que parmi les signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accepté nos actions, le fait de ressentir en nous une motivation vers les bonnes actions, le fait de faire suivre la bonne action de la bonne action. Et parmi les meilleures adorations par lesquelles nous pouvons nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-julus ala ma'idati al-Qur'an wa sunnah, parmi les meilleures adorations par lesquelles l'homme se rapproche de son Seigneur, le fait de s'asseoir avec le Coran et avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on va poursuivre nos cours, et cela le jeudi, le vendredi et le samedi après la prière du Asr, insha'allahu ta'ala, pour raconter l'histoire des prophètes. وبحمد الله سبحانه وتعالى أتممنا قصة آدم عليه السلام قصة نوح عليه السلام قصة هود عليه السلام قصة صالح عليه السلام واليوم سندخل في قصة إبراهيم عليه السلام اليوم نتكلم عن أحد العظماء ونبي من الأنبياء بل أبي الأنبياء وإمام الحنفاء كاسر الأصنام صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن نتكلم اليوم عن من قدم طاعة الله سبحانه وتعالى ورضاه على كل ما في السماوات والأرض قدمه على والده قدم حب الله على والده وعلى وطنه وعلى ولده وأهله والناس أجمعين إبراهيم عليه السلام ثاني أولي العزم من الرسل كان واحدا ومع ذلك كان أمه كان أمه كما وصفه الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم إبراهيم عليه السلام الثابت عند الابتلاء الوالد البر الأب الرحيم عليه السلام. Aujourd'hui, nous allons parler d'un homme immense, d'un prophète, de l'imam des monothéistes, celui qui a cassé les idoles avec sa main droite, du bien-aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, celui qu'Allah a élu et élevé et choisi et préféré depuis sa plus tendre enfance. Cet homme, Ibrahim alayhi salam, a fait devancer l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, son Seigneur, son Créateur, sur tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Il a préféré aimer Allah Azza wa Jal au-dessus de son père, de sa terre, de son épouse, de ses enfants. Il a donné sa vie pour Allah subhanahu wa ta'ala. En tant qu'enfant, il a eu un comportement exemplaire. En tant que père, il a eu un comportement exemplaire. En tant que mari, il a eu un comportement exemplaire. En tant que guide pour la communauté, il a eu un comportement exemplaire. Fa alayhi salam. Dhukira fil Qur'an 69 marra. Allah subhanahu wa ta'ala l'a cité dans le Qur'an 69 fois. Bien plus que beaucoup de prophètes et messagers. Ismu Abi Azar, كما جاء في القرآن الكريم قال الله سبحانه وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. Le père de Ibrahim عليه السلام se nomme Azar. Et dans les livres d'histoire, tu vois beaucoup le nom Tarah. Mais ce qui a été cité dans le Coran ainsi que dans la Sunnah est Azar. Donc le nom de son père est Azar. Allah nous dit dans le Coran, et lorsque Ibrahim dit à son père Azar. Wa thabata fi hadith Abi Hurayrah radiyallahu anhu 'inda al-Bukhari anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala yalqa Ibrahim abahu Azar yawm al-qiyamah. Et dans un hadith authentique dans le recueil de l'Imam al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Ibrahim rencontrera son père Azar le jour de la résurrection. Donc de ces textes, on peut affirmer que le nom d'Ibrahim, le nom du père d'Ibrahim est Azar. Nasha'a fi bi'atin mushrika bayna qawmin ya'buduna al-asnam wal-awthan. Ibrahim alayhi salam a grandi dans un endroit où ils adoraient les idoles, où ils adoraient autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, au sein d'un peuple polythéiste. Fil Irak, fi Babil. Donc il naquit en Irak, à Babil. Abuhu kana najjaran, dhukira anna abahu kana najjaran, wa yasna'u l'asnam. وأحيانا يعطيها لإبراهيم عليه السلام فإبراهيم وهو صغير على فطرته على التوحيد يأخذ هذه الأصنام ويقول للناس في السوق يا قوم من يشتري ما يضر ولا ينفع. هكذا وهو صغير أعطاه الله سبحانه وتعالى ذكاء عظيما. إبراهيم عليه السلام a donc vécu avec son père, Azar, qui lui était polythéiste. C'était un charpentier qui travaillait le bois et il faisait également des idoles. Et il fut dit que parfois il les donnait à Ibrahim alayhi salam, comme pour aller les vendre au marché ou autre. Et Ibrahim alayhi salam était très intelligent depuis son plus jeune âge. Il prenait les idoles et disait aux gens: ô vous les gens, qui veut acheter une chose qui nuit et n'est pas profitable, en montrant les idoles, une chose qui ne rapporte pas de bien et une chose qui rapporte du mal et qui n'est d'aucune utilité. Donc depuis son plus jeune âge, Allah subhanahu wa ta'ala lui avait donné cette éloquence et cette intelligence. Ja'alahu Allahu مقبولا عند الناس. الله سبحانه وتعالى a fait qu'Ibrahim alayhi salam soit aimé, et cela des gens des différentes voies. Fatajid anna al-yahoud intasabu ila Ibrahim, al-nasara intasabu ila Ibrahim, wa mushrikul arab intasabu ila Ibrahim, wa hakadha al-muslimun. فانتسب إلى إبراهيم أربع طوائف: اليهود، النصارى، المشركون والمسلمون. فبين الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم من أحق بذلك ومن انتسب إليه حقا فاتبعوا في العقيدة، في العباد، في النهج. فرد الله سبحانه وتعالى على الضالين الزاعمين وأقر المسلمين في غير ما آية. وأدلها على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. Donc, nombreuses sont les personnes se réclamant d'Ibrahim alayhi salam et de sa voix. Les juifs, par exemple, disent que Ibrahim fait partie des leurs. Les chrétiens disent que Ibrahim fait partie des leurs. Les associateurs du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam également se réclamaient d'Ibrahim alayhi salam et de sa voix. Et les musulmans également se réclament d'Ibrahim alayhi salam et de sa voix. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous a démontré qui est-ce qui est sur la voie d'Ibrahim alayhi salam et mérite de s'apparenter et de s'affilier à lui alayhi salam. Il nous dit dans le Coran, Ibrahim n'était ni un juif ni un chrétien, mais il était hanif, musulman soumis, et n'était pas du nombre des associateurs. Donc quelle était la voie d'Ibrahim alayhi salam? Al-hanifiyya. Al-hif هو الإقبال لغة الحنف هو الإقبال إلى شيء ومن فسره بالإعراض فسره باللازم وشرعا كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى الحنيف هو المقبل على الله المعرض عما سواه الحنيفية سلفوة إبراهيم عليه السلام كسني في الحنيفية. C'est le fait de se diriger totalement vers Allah, subhanahu wa ta'ala, et de se détourner de tout autre que lui. Celui qui se dirige exclusivement vers Allah, et se détourne de tout autre qu'Allah dans le culte, voici Al-Hanif. Voici Al-Hanif. En d'autres termes, Al-Hanifiyya, c'est l'islam. C'est Al-Tawhid. C'est La ilaha illallah. C'est pour cela que Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala dans l'usul al-thalatha nous dit: i'lam arshadaka Allah li ta'ati anna al-hanifiyyata millata Ibrahim thumma fassaraha qala an ta'bud Allah wahdahu mukhlishan lahu ad-din. Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala expliquait ce qu'est al-hanifiyya en disant: c'est le fait d'adorer Allah uniquement, et cela d'un culte sincère. Et cela d'un culte sincère. Donc la voix d'Ibrahim était al-Hanifiyya. Et c'est ce sur quoi était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et l'ensemble des prophètes. Si ce n'est que cette voix a été attribuée et rattachée à Ibrahim alayhi salam, لأنه أفضل من حققها ولأنه أبو الأنبياء. أفضل من حققها قبل بعثات محمد صلى الله عليه وسلم. La voix de la Hanifiyya, c'est la voix de tous les prophètes. Pourquoi? Alors, on voit souvent dans les textes que c'est la voix d'Ibrahim. Cela, car Ibrahim عليه السلام, c'est le père des prophètes. Et tout prophète et messager qui est venu après lui fait partie de sa descendance. Donc on a fait revenir Al-Hanifiyya à la base, au père. Deuxièmement, car c'est celui qui a le mieux parfait cette voie avant l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ibrahim alayhi salam, c'est le deuxième meilleur de tous les prophètes. Les meilleurs des prophètes sont les messagers. Et les meilleurs des messagers, ulul azm min ar-rusul, cinq prophètes, mais et messagers. Les meilleurs messagers sont ceux qui étaient doués de fermeté. Qui sont-ils? Qui sont les cinq? Le premier c'est qui? C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Ibrahim alayhi salam. Ensuite, Moussa alayhi salam. Puis, Isa alayhi salam. Et enfin, Nuh alayhi salam. Il y a une divergence dans l'ordre entre eux. Isa alayhi salam et Nuh. Il y a une divergence dans l'ordre entre Isa et Nuh alayhi salam. Ces cinq ont été cités dans deux endroits du Coran, dans un verset, dans deux endroits du Coran. Voyez, quelle est la première sourate? On l'a cité Ul Azm ar-Rusul. Il n'y a pas de texte qui dit Ul Azm ar-Rusul sont un tel, un tel, un tel et un tel. Mais les savants ont tiré ça de deux versets où ils ont été cités ensemble. Dans un endroit où Allah Azza wa Jal fait leurs éloges. Qu'est-ce qui nous cite les deux versets? Fil Ahzab et fi Ashura. Taïb. Pour demain, Inch'Allah, vous me restez les deux versets. Pour demain, vous me restez les deux versets. Vous trouvez les deux versets et vous venez les réciter, Inch'Allah Ta'ala. Taïb. أثنى الله سبحانه وتعالى على نبي إبراهيم عليه السلام في آية كثيرة جدا، وكذا النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث. قال الله سبحانه وتعالى: قال إني جاعلك للناس إماما، أي إماما يقتدى به. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit par exemple, je vais faire de toi un imam, un guide, c'est-à-dire quelqu'un qui aura de belles qualités et qui sera pris en tant qu'exemple. Ja'ala Allah subhanahu wa ta'ala nubuwa fi dhurriyyatihi wa wasafahu bis salah fa qala wa wahabna lahu ishaq wa ya'quba wa ja'alna fi dhurriyyati nubuwata wal kitab وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. Dans سورة العنكبوت الله سبحانه وتعالى nous dit: on lui a donné Ishaq et Yaqub, c'est-à-dire de Ishaq et Yaqub, et on a mis dans sa descendance la prophétie et le livre, et on lui a donné dans ce bas monde. Et il est dans wa atainahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin, et il sera dans l'au-delà parmi as-salihin, c'est-à-dire ceux qui seront élevés auront une grande place. Le mot salih, selon le contexte, il peut prendre un sens différent. Parmi les sens du mot salih, élevé, quand on parle de salih dans l'au-delà, ça vient dans le sens de l'élévation, il aura une grande place. Donc parmi les qualités d'Ibrahim alayhi salam, le fait que la prophétie a été mise dans sa descendance. Tout prophète qui viendra après Ibrahim alayhi salam fera partie de sa descendance. Wa kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ya'taz bi hadha al-intisab. Parmi les qualités d'Ibrahim alayhi salam, le fait d'avoir dans sa descendance les meilleurs des hommes, les prophètes et messagers. Et le meilleur d'entre eux, le meilleur de la création, le meilleur des prophètes et messagers, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quel honneur que d'avoir dans sa descendance, parmi ses enfants, le meilleur des hommes. Parmi ses qualités, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait ordonné à la meilleure créature de suivre la voie d'Ibrahim alayhi salam. Et Allah a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire comme c'est venu dans le Coran, قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Allah a ordonné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de dire, comme ça a été cité dans le Coran, dit, mon Seigneur m'a guidé sur un droit chemin, une religion droite, la voie d'Ibrahim, Hanif, qui ne faisait pas partie du nombre des associateurs. وفي سورة النحل أثنى الله سبحانه وتعالى على إبراهيم ثناء عظيما فقال سبحانه إن إبراهيم كان أمة. الله سبحانه وتعالى في سورة النحل ندي إبراهيم était une communauté, الأمة الإمام الذي جمع خصال الخير. Al-Imam, ou bien Al-Umma ici, c'est l'imam qui a réuni l'ensemble des bonnes qualités d'un peuple. Donc ça a été traduit par moment par guide. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan. Al-Qanit, c'est al-Khadi' al-Muti' al-Mustamir ala ta'atillah subhanahu wa ta'ala da'iman. Qanitan. Al-Qunut wa dawam ta'ah. Qanitan, c'est-à-dire qu'il était régulier dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, humilié devant son Seigneur, régulier dans son adoration. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Parmi ses qualités également, al-hanifiyya. Et on a expliqué ce qu'est al-hanifiyya, le fait de se diriger vers Allah pleinement et de se détourner de tout autre que lui. وَلَمْ يَكُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Il ne faisait pas partie du nombre des associateurs. Allah l'a purifié de l'association. Et dans le Hanif, il y a le fait de ne pas faire partie du nombre des polythéistes. Mais on a cité cela pour montrer l'importance de se détourner de la voie des polythéistes. شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ. Il était reconnaissant envers les bienfaits qu'Allah lui donnait. شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ. Donc c'était quelqu'un de reconnaissant. Aussi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, nous l'avons élu. Il a été choisi par Allah azza wa jalla, il a été élu. بِهَذِي الْخِصَالِ. De par ses nombreuses qualités qu'il avait, عَلَيْهِ السَّلَامِ وَاخْتَصَّهُ بِهَذِي الْخِصَالِ بِالْخُلَّةِ. Il l'a élevé par exemple au plus haut niveau de l'amour. Et on a fait un khalil. Ma ma'ana khalil? Al-khullah a'la darajatil hubb. Al-khullah, c'est le niveau le plus haut de l'amour. Ben Allah a accordé cela à Ibrahim alayhis salam. Et nous n'avons pas de texte affirmant al-khullah sauf pour deux hommes qui sont les meilleurs de l'humanité, les meilleurs des créatures. Le premier c'est Ibrahim alayhi salam. واتخذ الله إبراهيم خليل. Et le deuxième c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme cela a été cité dans un hadith. Parmi les qualités d'Ibrahim alayhi salam, avant cela, je vais vous lire le tafsir de ماذا العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى sur ce verset. Il nous dit, يخبر تعالى عما فضل به خليله عليه الصلاة والسلام وخص به من الفضائل العالية والمناقب الكاملة ومن أعظم فضائله أن الله أو ماذا أوحى لسيد الخلق وأكملهم أن يتبع ملة إبراهيم ويقتدي به هو وأمته. Le grand imam Abdurrahman ibn Nasser al-Sa'di, rahimahullah ta'ala, et je vous conseille à tous de prendre son tafsir, nous dit, le trait nous informe des mérites qu'il a accordés à son bien-aimé, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, et des nombreuses particularités et qualités qu'il lui a accordées, des attributs de perfection, et parmi les meilleures choses qu'il lui a données comme mérite, le fait d'avoir ordonné à sa meilleure créature, la plus complète, de suivre la voie d'Ibrahim. De suivre la voie d'Ibrahim. Le fait qu'Allah ait ordonné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de suivre la voie d'Ibrahim, lui ainsi que sa communauté. Cela car après Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ » À la suite de ce verset, Allah Azza wa Jal dit « Puis, il t'a été révélé de suivre la voie d'Ibrahim. » Il t'a été ordonné de suivre la voie d'Ibrahim. « ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ » Puis il t'a été ordonné de suivre la voie d'Ibrahim, et la religion d'Ibrahim, la pratique religieuse d'Ibrahim. Hanifa wa ma kana min al-mushrikin, qui ne faisait pas partie du nombre des associateurs. Wa min manaqib al-azima ma thabata fi as-sahihayn an Jundub al-Bajali radiyallahu anhu wa ghayrihi, qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, ayyuha an-nas, إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. Dans un hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, oh vous les gens, certes Allah m'a pris en ami intime, en khalil, il m'a accordé le plus haut niveau de l'amour, tout comme il l'avait fait à Ibrahim, al khalil. Parmi ses mérites, comme nous avons cité, Wathani ul Azna Rusul, c'est le deuxième des meilleurs de tous les messagers et prophètes. Parmi ses mérites, Anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam laqiyahu fil mi'raj fi a'la sama, fi sama al-sabi'a, musnidan dhahrahu ala bayt al-ma'mur, kama thabata fi sahihayn. Parmi ses mérites, le fait qu'il occupait la place la plus élevée lors du voyage du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de son ascension, il a rencontré à chaque ciel un ou plusieurs messagers. Et au ciel le plus élevé, au septième, il a rencontré qui? Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam. Il avait son dos appuyé à Bayt el-Ma'mour, la maison peuplée. Dans cette maison, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, chaque jour il y a 70 000 anges qui y entrent et ne reviennent jamais. Et ne reviennent jamais. Parmi ses qualités et ses mérites, le fait qu'il sera le premier à être habillé yawm al-qiyam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kama thabata min hadith ibn Abbas radiallahu anhu, yaqul yuhsharu an-nas uratan ghurla fa awwalu ma yuksa Ibrahim alayhi salam thumma qara kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, les gens seront ressuscités, nus et non circoncis. Et le premier qui sera habillé sera Ibrahim. Sera Ibrahim. Puis il a récité le passage dans Surat al-Anbiya, comme nous avons commencé, c'est-à-dire la création, elle sera refaite. Elle sera refaite. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا خير البرية. Un homme est venu voir le prophète صلى الله عليه وسلم et lui a dit, oh toi la meilleure des créatures, oh toi le meilleur des hommes. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ذاك إبراهيم ذاك إبراهيم. هذه منقبة عظيمة جدا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a entendu les paroles de cet homme, il lui a répondu, celui duquel tu parles, c'est Ibrahim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme est venu le voir, il lui a dit, ô toi, le meilleur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, avec la plus grande modestie, celui, ça, c'est Ibrahim. Le meilleur, c'est Ibrahim alayhi salam. Et une mas'ala, qui est le meilleur des prophètes et messagers? Est-ce que c'est Ibrahim alayhi salam, ou bien est-ce que c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Car ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça à Ibrahim. Donc comment répondre à ce ishkal? Qui est le meilleur? Ibrahim, عندك السؤال. C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça à Ibrahim. Comment tu réponds à ça? Il y a deux textes qui nous disent que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le meilleur. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça à Ibrahim. Comment on fait? نعم par modestie هذا قول ماذا القرطبة والطبري طيب نسيت نعم comme tu as dit la réponse comme tu as dit beaucoup de savants dit قال هذا تواضعا le prophète Mohammed a dit cela par modestie il a dit cela par modestie ou bien quelle est une autre réponse un autre tawjih نعم طيب غير هذا نعم car c'est خليل الرحمن mais le prophète محمد صلى الله عليه وسلم aussi c'est خليل الرحمن طيب une des réponses qui a été apportée est هذا قبل أن يخبر بأنه سيد ولد آدم hein On peut expliquer cela en disant qu'il a dit ça avant de savoir qu'il était le meilleur. Avant qu'Allah Azza wa Jal ne l'informe que lui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui le meilleur des messagers et prophètes. D'accord? Sinon, une bonne réponse est de dire « قَالَ هَذَا تَوَاضُعًا » Il a dit cela par modestie. طيب. Parmi ses qualités, le fait qu'Allah Azza wa Jalla décrit dans le Coran bi salamati al-qalb. Idh ja'a rabbahu bi qalbin salim. Le meilleur endroit du corps, c'est le cœur. Ala inna fi al-jasadi mudghah idha salahat salaha al-jasadu kullu wa idha fasadat fasada al-jasadu kullu. Fa jasadu Ibrahim kulluhu kayf salah. لأن قلبه سليم. الله سبحانه وتعالى décrit le cœur d'Ibrahim comme étant sain. والقلب السليم هو الذي سلم من الشرك كبيره وصغيره. C'est le cœur qui a été purifié de tout le mal. Du polythéisme, le grand, le petit, les innovations, le fait de pencher vers Allah Azza wa Jal, les péchés et ainsi de suite. Salim alayhi salam. Parmi ses qualités, le fait que la prière de la personne ne sera pas valable tant qu'il n'aura pas prié sur Ibrahim alayhi salam. Et on a mis la prière d'Ibrahim alayhi salam à côté de la prière du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. ثم تبارك على محمد صلى الله عليه وسلم وأهلي كما بارك الله عز وجل على إبراهيم وعلى إبراهيم. Donc ça, ça nous montre la grande place d'Ibrahim عليه السلام. Et qu'il y a un lien direct entre notre communauté et Ibrahim عليه السلام. Après avoir cité quelques mérites du prophète Ibrahim عليه السلام, نذكر الآن وصفه أو صفاته الخلقية. Quelle est la description d'Ibrahim عليه السلام? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith a parlé de plusieurs prophètes et de leur description. Arrivé à Ibrahim عليه السلام, il nous dit que celui qui lui ressemble le plus, celui qui lui ressemble le plus, صاحبكم. Il a deux compagnons, et celui qui ressemble le plus à Ibrahim, c'est votre compagnon. C'est-à-dire lui-même. Donc, Ibrahim alayhi salam ressemble à qui? Au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ressemble à Ibrahim alayhi salam, son père. Son père, son grand-père, c'est qui? C'est Ibrahim alayhi salam. Sayyid al-Jadul A'la, c'est qui? C'est Ibrahim alayhi salam. Donc, vous voulez savoir la description d'Ibrahim alayhi salam? Vous assistez au cours du frère Sadaq waffaqahullah, al-Shama'il. Quand vous allez connaître la description du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous allez connaître la description du prophète Ibrahim alayhi as-salam. Thumma ba'da dhalik waffaqakum Allah awladu Ibrahim alayhi as-salam, ses enfants. Ibnuhu al-akbar Ismaïl. Thumma Ishaq. Ibrahim alayhi as-salam n'a pas eu d'enfant si ce n'est après avoir atteint un âge très avancé. Certains ont dit 80. Voyez, sachant qu'il s'est marié avec Sarah, qui était stérile dans sa jeunesse. Et une femme qui est stérile durant sa jeunesse, à plus forte raison, elle aura des difficultés pour avoir des enfants après avoir atteint l'âge avancé. ولكن الله يفعل ما يريد وهو أرحم الراحمين وخير الرازق. Allah subhanahu wa ta'ala fait ce qu'il veut, et c'est le plus miséricordieux, et c'est le meilleur pourvoyeur. Il a donc accordé à Ibrahim alayhi salam un enfant qu'il a appelé Ismaïl après avoir atteint un âge avancé. Ismaïl n'est pas l'enfant de Sarah, c'est l'enfant de Hajar. Et on parlera de Sarah, de Hajar demain, inshallah ta'ala. Et pour celui qui ne savait pas ce qu'était une femme pieuse, il le sera demain, inshallah ta'ala. Et bi'idhnillah, il y a beaucoup d'épouses, de mères, de filles qui le sont. Mais lorsque vous allez entendre les preuves de Sarah, l'épreuve de Hajar, vous allez comprendre mes paroles. Et je ne dis pas ça pour éviter les problèmes. Voyez. Donc, Ismaïl, Ishaq, deux fils du prophète Ibrahim alayhi salam, qui ont été cités dans le Coran. À part cela, à part eux, les historiens ont cité beaucoup d'enfants qu'à Ibrahim alayhi salam, Allahu alam. Allahu a'lam. Est-ce qu'il y a des textes affirmant cela dans la Sunna? Ils ont cité qu'il a eu 6 enfants d'une autre femme, puis encore beaucoup d'autres d'une autre, et ainsi de suite. Wallahu a'lam. Ce qui est sûr, c'est qu'il a eu Ismaïl, et ensuite il a eu Ishaq. Passons maintenant au prêche d'Ibrahim alayhi salam, à la da'wah d'Ibrahim alayhi salam. أولا دعوة إبراهيم لأبيه آذر. Premièrement, le prêche d'Ibrahim عليه السلام à son père آذر. بدأ إبراهيم عليه السلام دعوته بأبيه آذر. ومن تدبر القرآن والسنة يجد أن الله ذكرنا شيئا من أبيه عن أبيه ولم يذكر لنا شيئا عن أمه. طيب. Ibrahim alayhi salam, on nous parle de son père dans le Coran ou dans la Sunna, mais celui qui médite les textes voit qu'on ne nous a pas parlé de sa mère. On ne nous a pas parlé de sa mère. Et lorsqu'Allah Azza wa Jalla ne nous cite pas une chose, par exemple, il nous parle d'un arbre sans citer son espèce, il nous parle d'un oiseau sans citer son espèce, il nous parle d'un homme sans citer son nom, et ainsi de suite, c'est qu'il n'y a pas une grande importance pour nous dans notre vie religieuse ou terrestre. Voyez. Donc Ibrahim alayhi salam a commencé son prêche par son père. Wa hadha min fiqh ad-da'wa. Wa mutabiqan lima dhakara Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an wa anzir 'ashiratak al-aqrabin. عشيرتك الأقربين. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، جامع قومه، جامع عشيرته، جامع أعمامه طيب وأقرباءه، ودعاهم إلى توحيد الله رب العالمين. وكذا فعل النبي الله إبراهيم عليه السلام. Donc Ibrahim a commencé par ses proches parents. Il a commencé par son frère, son père. Et cela fait partie de la manière de prêcher. Et de la science dans le prêche. Et de la sagesse dans le prêche. Le fait de commencer par ses proches. Wallah musta'an farratna fi hadha. Et qu'Allah nous pardonne, on a de grands manquements dans cela. قال الله سبحانه وتعالى يا الله تبارك وتعالى nous a cité ce dialogue entre Ibrahim عليه السلام et son père dans sourate Maryam et dans d'autres sourates. يقول الله سبحانه وتعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. جمع الله سبحانه وتعالى لإبراهيم بين صفتين عظيمتين، الصديقية والنبوة. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran et mentionne dans le livre Ibrahim, c'était un véridique, c'était un grand véridique et un prophète. Allah a fait ses éloges par deux caractéristiques: la véracité dans ses paroles, dans son comportement, dans tout ce qu'il fait, dans ses situations, et c'était un prophète. Il qala li abihi ya abati. Lorsqu'il dit à son père, ô mon cher père. Comment est-ce qu'Ibrahim a.s. s'adressa à son père? Ô mon cher père. Il l'appelait par sa qualité, par le plus grand mérite qu'il avait sur lui. Il l'appelait par la parole qui touche les parents. Il qala li abihi ya abat, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka shay'a. Ô mon père. Donc, lorsqu'il dit à son père, ô mon père, pourquoi adores-tu ce qui n'entend, ni ne voit, ni ne te profite en rien? Ibrahim alayhi salam, ala rayatin min al-adab wal-akhlaq wa ala dhirwatil birr fi at-ta'amul ma'a walidi yasta'milu ar-rizq والحكمة في مخاطبته ليلين قلب أبيه. إبراهيم عليه السلام a atteint l'excellence de la piété filiale. Le plus grand respect, il l'accordait à son père. Il l'appelait avec la plus belle appellation, ô mon père. Il lui parlait avec douceur et avec sagesse avant de lui faire da'wah, afin d'ouvrir son cœur à la vérité et de l'adoucir. Il a commencé dans son prêche par Ibtal al-Shirk. Il a voulu démontrer à son père le caractère caduc de l'adoration des idoles et de tout ce qui adore en dehors d'Allah Azza. Et il l'a appelé au Tawhid. Il l'a appelé à la ilaha illallah, comme c'est le prêche de tous les prophètes et messagers. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبد. Dans sourate les prophètes, Allah Azza wa Jalla nous montre que chaque messager qui a été envoyé avec la ilaha. Dans sourate An-Nahl, Allah Azza wa Jalla nous dit, dans sourate les abeilles, ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire: n'adorez que Allah, éloignez-vous de ceux qui adorent en dehors d'eux. Ces deux versets mémorisés dans sourate An-Nahl, les abeilles, et dans sourate Al-Anbiya. Ces deux versets mémorisés. Fayyib. Istadalla Ibrahim alayhi salam ala butlani أحقية الألوهية لهذه الأصنام السافلة بكونها واصفة بالنقص والعيب والعجز. إبراهيم عليه السلام de par sa grande intelligence a su démontrer que ces idoles qui sont adorées en dehors d'Allah Azza wa Jal ne méritaient aucunement et nullement l'adoration en dehors d'Allah Azza wa Jal du fait qu'elles étaient décrites par les manquements, la faiblesse. Ma la yasma', ces fausses idoles n'entendent pas. Et ceux qui n'entendent pas ne pourra pas exaucer tes invocations. Lorsque tu vas faire dua, si ceux que tu adores n'entend pas, pourquoi est-ce que tu l'adores? Elle ne peut pas répondre à ton invocation. Deuxièmement, la yurusir, elle ne voit pas ton état, ta difficulté, ton besoin. Comment est-ce qu'elle pourrait te protéger alors qu'elle ne te voit pas? Comment est-ce qu'elle pourrait te secourir alors qu'elle n'est pas au courant de ton état? Wala yughni 'anka shay'a. Cela n'est pas profitable. Et subhanallah, lorsque tu adores une chose, c'est parce qu'elle t'est profitable. Elle te ramène le bien et repousse de toi le mal. Alors Ibrahim alayhi salam a utilisé ces choses-là pour montrer que ces idoles ne méritaient aucunement l'adoration. Contrairement à qui? Allah, Rabbul Alamin, alladhi lahu al-mathal al-a'la, alladhi lahu al-asma al-husna, الذي قال عن نفسه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد الذي قال عن نفسه ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير الذي قال عن نفسه هو الله الذي لا إله إلا عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الآيات. فالله سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال وبالأسماء الحسنى التي بلغت غاية الحسن التي ليس فوقها كمال. Allah subhanahu wa ta'ala, quant à lui, a la description la plus parfaite dans tous ses noms et tous ses attributs. Il nous dit, subhanahu wa ta'ala, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ فَدْعُوهُ بِهَا. À Allah appartient les plus beaux noms, invoquez-le donc avec. Allah azza wa jal nous cite comme preuve du droit à l'invocation et l'adoration le fait qu'il soit parfait dans ses noms. Asma'ullah kulluha husna. Les noms d'Allah Azza wa Jal sont tous sublimes. Comme a dit Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen dans son livre Al-Qayyim al-Qawa'id al-Muthla, les règles les plus sublimes. La première règle, Asma'ullah kulluha husna. Puis il a cité ce verset en tant que preuve. Husna ay baligatun fil husn ghayatun. Allah Azza wa Jalla a les noms les plus parfaits, les attributs les plus complets. C'est pour cela qu'il mérite l'adoration et le seul à les mériter, à la mériter. Allah nous dit dans son livre qu'il a la description la plus élevée, la plus parfaite. Wallahu al-mathalu al-a'la. Allah nous dit dans son livre qu'il n'a pas d'égal. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas d'égal? Car il est unique et il a les noms et les attributs les plus parfaits. Allah nous dit dans son livre, il n'y a rien qui lui ressemble. Pourquoi? Parce qu'il a la perfection totale dans tous ses noms, tous ses attributs dans son essence. Puis il nous dit, c'est lui l'audient et le clairvoyant. Donc de par cette description, Allah Azza wa Jal mérite d'être le seul à être adoré. Contrairement à ses idoles, qui ne peuvent pas pour elles-mêmes le bien, à plus forte raison pour les autres. Donc Ibrahim alayhi salam a utilisé quel chapitre du Tawhid pour amener son père à unifier Allah d'un culte sincère à Allah Azza wa Jal? Tawhid Allah fi asma'ihi wa sifati. Et ce chapitre du Tawhid, comme a dit l'Allamah Ibn al-Qayyim, c'est la meilleure science. Ashraful ulum ala l'itlaq. Et comme a dit également Ibn Abi al-Izz et d'autres parmi les grands savants de l'islam. Après cela, Ibrahim alayhi salam s'adresse à nouveau à son père et lui dit, Ya Abati, encore une fois, avant de lui parler, il lui dit, oh mon père, Il utilise la douceur et la sagesse et montre la considération qu'il accorde à son père. Ya abati inni qad ja'ani min al-'ilm ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Ô mon père, il m'est venu de la science que tu n'as pas reçue. Suis-moi donc et je te guiderai sur une voie droite. Hey, la tarkirni. Ô mon père, la tarkirni. Fataqul ana ibnuka as-saghir. فالله أعطاني من العلم ما لم يعطك. C'est-à-dire, ô mon père, ne me méprise pas, même si je suis jeune et que je suis ton fils, car certes Allah m'a donné une science que tu n'as pas reçue toi. Comme a expliqué l'Allama Tussa'ali fi tafsir. La plupart de ce que je vous cite dans le tafsir, ça, c'est dans le livre de l'imam Sa'adi, dans le tafsir de l'imam Sa'adi, rahimahullah ta'ala. Regardez la douceur et la sagesse d'Ibrahim a.s. Il a donné la place que son père méritait, la place de père. Il ne lui a pas dit « tu es ignorant, je sais et tu ne sais pas ». Non, il lui a dit « j'ai reçu une science que tu ignores. Et cette science que j'ai reçue fait que je suis en droit d'être suivi malgré mon jeune âge et malgré le fait que je sois ton enfant. Donc suis-moi, et si tu me suis, je te guiderai sur le droit chemin, sur le chemin du tawhid et de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ya abati la ta'budi shaytan. Regardez comment Ibrahim fait da'wa à son père progressivement. Ya tadarraj fil khitab. Premièrement, il lui montre que ces divinités qui sont adorées en dehors d'Allah Azzawajal ne méritent pas l'adoration car elles ont des défauts et sont faibles et inutiles. Deuxièmement, il lui montre qu'il a reçu la science, donc il lui faut le suivre afin qu'il le guide sur le droit chemin. Troisièmement, ya abakila ta'budi shaytan inna shaytana kana lirrahmani asi. Ô mon père, n'adore pas le diable, car certes, le diable a désobéi au tout miséricordieux. Pourquoi est-ce qu'il lui a dit n'adore pas le diable, alors que son père adore qui? Les idoles. Car c'est Al-Shaytan qui a ordonné l'adoration d'autre qu'Allah Azza wa Jalla. C'est Al-Shaytan qui a ordonné l'adoration d'autre qu'Allah Azza wa Jalla. فَكُلُّ مَنْ عَبَدَ غَيْرَ اللَّهِ فَهُوَ عَابِدٌ لِمَنْ لِلشَّيْطَانِ وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ. ألم تسمعوا قول الله سبحانه وتعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. الله سبحانه وتعالى سبحانه من القرآن N'avez-vous pas pris l'engagement aux enfants d'Adam de ne pas adorer le diable? C'est pour vous certes un ennemi évident. Puis Ibrahim a.s. a dit à son père, Ya abati, inni akhafu an yamassaka azabun min ar-rahman fatakuna lish-shaytani waliya. طيب. Ibrahim a.s. a dit à son père, ô mon père, j'ai peur, je crains pour toi que ne te touche un châtiment de la part du tout miséricordieux et que tu sois ainsi par la suite un allié du diable. Mon père, j'ai peur pour toi qu'Allah Azza wa Jal te châtie et que tu fasses partie des alliés du shaytan. Ibrahim alayhi salam montre l'amour naturel qu'il a pour son père et l'amour de la guider pour son père et la peur qu'il a de voir son père châtié par Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Sa'di rahimahullah ta'ala nous dit une faïda jamila. Il nous dit أضاف العصيان إلى الرحمن إشارة إلى أن المعاصي تمنع العبد من رحمة الله. وتغلق عليه أبوابها، كما أن الطاعة أكبر أسباب لنيل رحمته. الإمام السعدي رحمه الله تعالى نجي ici, la désobéissance a été rattachée au nom d'Allah Ar-Rahman. Au nom d'Allah Ar-Rahman. Tayyib. Inna shaytana kana lir-Rahman asiya, dans le verset qu'on a lu juste avant. Le diable a été envers le tout miséricordieux désobéissant. Pourquoi on a utilisé le mot tout miséricordieux? Pourquoi on a mis ce nom-là parmi nom d'Allah Azza wa Jal, ces nombreux noms d'Allah Azza wa Jal? L'imam Sa'di nous dit, c'est un signe pour nous montrer que les péchés éloignent et empêchent le serviteur de recevoir la miséricorde du tout miséricordieux. Mafhoum? للشيطان ماذا إن الشيطان كان للرحمن عصيا للرحمن عصيا. On a mis le mot péché à côté du mot الرحمن pour montrer que le péché est la cause qui empêche le serviteur de recevoir la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Celui qui désobéit Allah Azza wa Jal voit devant lui se fermer les portes de la miséricorde. Tout comme à l'inverse, l'obéissance est la cause pour recevoir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rahman. Une autre faïda qu'a cité, si je me souviens bien, l'imam al-Alusi rahimahullahu ta'ala, concernant le même passage, ou bien le verset d'après, celui que je viens de lire. Mada in yakhafu an yamassaka 'adhabun min ar-Rahman. J'ai peur que tu sois touché d'un châtiment émanant du tout miséricordieux. On aurait pu s'attendre, vu qu'on parle du châtiment, à voir un autre nom parmi nous d'Allah, comme quoi Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Qawi, et les noms qui plongent le serviteur dans la crainte, la peur et les troubles. Et le, pardon, la... ماذا الرعب طيب اسماء ce qu'on appelle اسماء الجلاله اسماء الجلاله ce sont les noms qui lorsqu'ils sont récités ou lorsque le serviteur les entend, ça remplit son cœur de crainte d'Allah Azza wa Jalla, comme Al-Aziz, Al-Qawi, Al-Jabbar, Al-Kabir, Al-Muta'al et d'autres parmi nous d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici on voit qu'Allah azza wa jal a dit Rahman, le tout miséricordieux. On parle de châtiment et on dit le tout miséricordieux. Quelle est la sagesse de cela? Quelle est la sagesse de cela? Qu'est-ce qu'il y a une réponse? Naam. Jazakallah khair. Qawlun hasan. Le frère a dit Allah sarrahman, le tout miséricordieux. Mais le péché qui a été fait est tellement grand que Allah azza wa jalla, malgré le fait qu'il soit le tout miséricordieux, le châtie quand même. Vous voyez, qu'il y a autre que ce nom. Méditez sur ce verset et demain vous me ramenez ce que vous avez trouvé. D'accord? Vous cherchez sur ce verset, vous méditez ce verset, et cherchez donc sur ce verset, et vous ramenez demain, inshallah, ce que vous avez trouvé. Et rappelez-moi de vous dire la faïda. Oui. Ici, Ibrahim alayhi salam, on a vu comment il s'est comporté avec son père. Avant chaque chose qu'il a avancée, Ya Abati, Ya Abati, Ya Abati, Ya Abati. Ibrahim alayhi salam, بدأ دعوته المباركة بقوة العلم والحجج والبراهين وحسن الخلق وأتم البر والحكمة والموعظة الحسنة وحسن الخلق، وفي كل ذلك يقدم يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي. Donc voici la da'wah d'Ibrahim alayhi salam pour son père. Il parle et cède dans sa da'wah et base même sa da'wah sur quoi? Sur la science, l'intelligence, la douceur, la miséricorde, la sagesse, le bon comportement. Et il orne tout cela en commençant ses paroles à chaque fois par « Oh mon cher père, oh mon cher père, oh mon cher père, oh mon cher père. » Voici le comportement de celui qui a baigné dans le tawhid. Celui qui ressent qu'Allah Azza wa Jalla le surveille lorsqu'il s'adresse à des gens qui ont des droits sur lui. Et parmi les plus grands droits, haqqul walidayn, le droit des parents. Après avoir entendu ce prêche béni, quelle a été la réponse du père d'Ibrahim alayhi salam? Écoutez ça. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Il dit, ô Ibrahim, aurais-tu du dédain pour nos divinités, pour mes divinités? La illam tantah, la arjumannaka wahdurni maliya. Si tu ne cesses pas, la illam tantah, ay min al kalam ala alihati, wa min al tanaqqus li alihati, wa min da'watika ila tawhidillah, la arjumannaka bil kalam wa bil hijar. La illam tantah, la arjumannaka wahdurni maliya, maliya ay waqtan tawila. ابتعد مني لا اريد ان ارى وجهك. Si tu ne cesses pas, c'est-à-dire de m'appeler au tawhid, de me répéter la ilaha illallah, de parler en mal de mes divinités, de dénigrer mes divinités et de dire du mal de mes divinités, je te lapiderai. Un père qui s'adresse à un fils aussi pieux que Ibrahim alayhi salam, qui lui dit, si tu n'arrêtes pas de m'appeler en réalité au bien, au tawhid, à la droiture, à la raison, à la normalité, je te lapiderai avec des pierres ou avec des paroles et ou avec des paroles, et éloigne-toi de moi pour un long moment, je ne veux plus te voir, éloigne-toi de moi, que nos visages ne se croisent plus et que cela soit pour un long moment. Voici la réponse de celui dont le cœur a été rempli de polythéisme et dont les actions baignent dans le polythéisme. Et le fait de donner des égaux à Allah subhanahu wa ta'ala. Qaswatul qulub allati yajiduha al-mushrik fi qalbi dhulumat al-qalb alladhi yasbahu fi al-kufr wal-shirk wal-dalal wal-jahl. Voici les ténèbres dans lesquels réside le cœur qui adore autre qu'Allah Azza wa Jal, qui est ignorant et injuste. La dureté du cœur, une des plus grandes maladies. Comment Ibrahim alayhi salam s'est comporté avec son père pour mériter cela? Comment est-ce qu'Ibrahim alayhi salam s'est adressé à son père pour avoir mérité cela? Voici l'injuste du mushrik. Voici l'injustice, pardon, du mushrik. Pensez-vous qu'Ibrahim a.s. a perdu patience? Pensez-vous qu'Ibrahim a.s. s'est adressé à son père comme il l'aurait peut-être mérité? Non. Mais il a répondu à son père, « Ajab Ali, ala abi, bijawab ibad al-Rahman. » Bijawab, jawab ibad al-Rahman, alladhi ja'a, في نهاية سورة الفرقان وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون في الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. الله عز وجل nous décrit les serviteurs du tout miséricordieux, serviteurs, tout tout particulier ceux qui ont atteint les hauts degrés et ont les nobles caractères, les meilleurs caractères. Il nous dit, وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent sur la terre remplis d'humilité. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ. Et lorsque Al-Juhal s'adresse à eux, Al-Juhal, c'est-à-dire ceux qui dépassent les limites, les ignorants qui dépassent les limites dans leur comportement, قَالُوا سَلَامًا. Comment est-ce qu'ils leur répondent? Comment est-ce qu'ils se comportent avec eux? Ils leur disent, paix sur eux. Yani, vous n'allez pas recevoir de nous du mal. Si vous vous faites du mal, nous ne vous répondra pas avec le mal. Donc il a dit à son père, salam. C'est-à-dire, rien de mal ne te touchera de ma part. Rien de mal ne te touchera de ma part. Aucune parole, aucune action. Aucun mauvais caractère ni comportement. Plus encore. Ibrahim alayhi salam lui dit après, la astaghfiranna lak. Amada. قال سلام ايش الايه قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا قال سلام عليك ساستغفر لك ربي il lui a dit paix sur toi, j'implorerai mon seigneur de te pardonner. Subhanallah, regardez tout le bien qu'Ibrahim alayhi salam a réuni ici dans le prêche qu'il a adressé à son père, malgré le mal et le mauvais comportement, la mauvaise réponse que lui a faite son père. Il lui dit, paix sur toi, j'implorerai mon Seigneur de te pardonner. Innahu kana bi hafiya, car il a toujours été avec moi, généreux, et m'a comblé de ses biens. Innahu kana bi hafiya. On pourrait expliquer Hafi en disant El Hafi, c'est celui qui m'a habitué à toujours me répondre et me combler de ses biens. Vous voyez, celui qui m'a habitué à toujours me répondre et me combler de ses biens. Ibrahim alayhi salam Mada a tenu cette promesse, il a fait dua. Comme Allah Azza wa Jal nous a cité dans Surat Ash-Shu'ara, les poètes. وَغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ. Il a fait dua pour son frère. Et pardonne à mon père car il est certes parmi les égarés. Et ça c'est avant qu'on lui mada que cela ait été interdit. D'accord? Dans un premier temps il a fait dua pour son père, mais après il a délaissé cela. Taïeb. فلما تبين ماذا له او فلما تبين انه عدو لله تبرأ منه. الله عز وجل nous cite dans le Coran, dans un autre passage, que lorsque ماذا cela lui fut démontré, yani qu'il s'est éloigné du tawhid et qu'il fera partie des habitants de la fournaise, il s'est désavoué de lui. وهناك مساله, ici une question religieuse. هل يجوز الاستغفار للمشركين. Est-ce que c'est permis de demander qu'Allah pardonne quelqu'un qui est mort sur le polythéisme? En ce qui concerne la dua, qu'Allah guide le mushrik de son vivant, cela est permis. Le fait de faire dua pour qu'Allah Azza wa Jal guide un polythéiste, cela est permis, comme l'a fait le prophète sallam pour Omar ibn Khattab et pour d'autres. Cela est permis. Mais après la mort du mushrik, les savants disent que si on sait que c'est un mouchrik, donc un non-musulman, et qu'il est mort sur cela sans s'être repenti, la yajouz ad-du'a lahu wa la l'istighfar. Il n'est pas permis de faire du'a pour lui, d'invoquer Allah en sa faveur, ni d'implorer son pardon pour celui qui est mort sur le shirk. Et c'est pour cela qu'on voit que dans le Coran, Allah Azza wa Jal nous ordonne dans beaucoup de versets de suivre la voie d'Ibrahim alayhi salam, excepté dans une chose, comme dans Sourate Al-Mumtahina, l'éprouvé. Taïb, Allah Azza wa Jal nous montre qu'on a un exemple parfait à suivre dans la personne d'Ibrahim. Taïb, Maza et ceux qui étaient avec lui. À la fin, il nous dit, après avoir fait ses éloges, Illa qawla Ibrahim ali abi. Donc on a un parfait exemple à suivre dans la personne d'Ibrahim alayhi salam. Et à la fin de ce passage, il nous dit, subhanahu wa ta'ala, sauf, yani, suivez Ibrahim, vous avez un parfait exemple en sa personne, sauf dans une chose. Il ne faut pas le suivre dans une chose. Car cela a été interdit par la suite, c'est quoi? Dans sa parole pour son père, lorsqu'il a demandé pardon pour lui. D'accord? Cela n'est pas permis. Donc les compagnons par la suite, et le prophète sallam par la suite, a arrêté de demander pardon pour ceux qui sont morts sur Al-Shirk et Al-Munafiqun. Le prophète sallam, de par sa grande miséricorde, il faisait dua même, subhanallah, lorsque le Munafiqun décédait. Omar ibn Khattab lui a dit, ya Rasulallah, tu fais dua pour eux, tu implores le pardon d'Allah Azza wa Jal pour eux, alors qu'Allah Azza wa Jal a dit que si tu demandes pardon à Allah 70 fois, il ne leur pardonnera pas. Comme c'est venu en sourate At-Tawbah. Le prophète sallam a dit, si je savais qu'en demandant plus que 70 fois le pardon d'Allah Azza wa Jal pour eux, il leur pardonnerait, je le ferais. Allah Azza wa Jal a révélé du Coran et a interdit par la suite de faire dua pour eux. وما كان على النبي والذين ما كان على النبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا للقربى من بعد ما تبينهم أنهم أصحاب الجحيم. Donc Allah Azza wa Jal par la suite a interdit au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux compagnons de faire dua pour ceux qui sont décédés parmi les mushrikoun et les munafiqoun. طيب ماذا. Ensuite, à la fin de cette histoire, lorsque Mada, son père a eu ce comportement et qu'Ibrahim alayhi salam lui a répondu de la sorte. قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. Ibrahim alayhi salam a dit par la suite, lorsque son père a refusé la da'wah de tawhid, et je m'éloigne de vous et de ce que vous invoquez en dehors d'Allah. Et j'invoquerai mon Seigneur. Et j'espère ne pas être malheureux par mon appel à mon Seigneur. Lorsqu'il a vu le comportement de son père et qu'il n'a pas voulu accepter le tawhid, il s'est désavoué de leur voix et s'est éloigné d'eux physiquement. Et Maza, il s'est éloigné également de leur terre. Puis, ou bien dans ce verset, il nous dit Wa'atazilukum, je m'éloigne de vous. Wa ma tad'una min dunillah, et ce que vous invoquez en dehors d'Allah, c'est-à-dire les fausses divinités. Wa ad'u Rabbi, je m'éloigne de tout ce que vous adorez, et j'adore uniquement mon Seigneur. Et j'invoque uniquement mon Seigneur. Ça, c'est le sens de quoi? La négation et l'affirmation. At-tawhid. C'est le sens de la ilaha illallah. On s'éloigne des fausses divinités, de tout ce qu'il y a en dehors d'Allah, puis on se dirige uniquement que vers Allah Azza wa Jal, on l'unifie dans le culte sincère. Puis Ibrahim alayhi salam nous montre qu'il est entre la crainte et l'espoir. Entre la crainte et l'espoir. Et le cœur, les adorations du cœur, ou bien les piliers des adorations, les piliers de l'adoration reposent sur trois choses, trois adorations du cœur. Al-mahabba, al-khawf et al-raja. Retenez ceci. Les piliers de l'adoration reposent sur trois choses, ou bien son nombre de trois, trois adorations du cœur. L'amour, la crainte et l'espoir. Donc regardez la parole d'Ibrahim alayhi salam ici. Alors que c'est celui qui a été choisi par Allah Azza wa Jal depuis son plus jeune âge. Celui qui n'a connu que la ilaha illallah. Et pourtant on voit comment il est entre la crainte et l'espoir. Wa ad'u Rabbi asa, peut-être. Allah akuna bidu'a'i rabbi shaqiyya. Yani, j'espère ne pas être malheureux dans mon appel à mon Seigneur. Fihi anna al-mar ya'ish bayn al-khawf wa al-raja. Ya'mal yad'u hubban lillah wa huwa bayn al-khawf wa al-raja. De cela on tire que le serviteur doit toujours agir, se diriger vers Allah par amour pour lui et toujours être entre la crainte et l'espoir. Il agit, il espère qu'Allah accepte de lui. Et il a peur, il craint qu'Allah Azza wa Jal ne l'accepte pas. Ibrahim alayhi salam a utilisé le targhib. Il a utilisé l'ilm, wal barahim, wal hujaj. Mais cela n'a pas accordé à son père la guider. Car la guider, hidayat al-tawfiq wal-ilham, n'est qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. De cette histoire, on tire beaucoup de sagesse. De ce passage, la da'wah d'Ibrahim alayhi salam à son père, on tire beaucoup de sagesse. Que la da'wah doit être basée sur la science. Allah dit dans le Coran, « Qul hadi sabili ad'u ila Allah » Dis, voici ma voix, j'appelle à Allah. « Ala basiratin ana wa mani taba'an » J'appelle Allah avec clairvoyance. Premièrement, tu appelles à Allah, tu appelles au tawhid, tu appelles à la ilaha illallah, au fait qu'il soit adoré seul sans associé. Et tu fais cela avec clairvoyance. Avec clairvoyance. Deuxièmement, en tire de cette histoire, il te faut avoir des preuves lorsque tu viens débattre. Troisièmement, on tire la permission de débattre et de discuter avec bon comportement. Taïeb. Car souvent, on entend des gens qui pourtant veulent s'accaparer la da'wa, qui n'est pas la da'wa du prophète sallam. Lorsque tu débats avec eux, ils te disent, le jidel c'est pas bon. Le débat c'est pas bon. La discussion c'est pas bon. Mais pourtant Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, « Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idati al-hasana wa jadilhum billati hiya ahsan. » Billati hiya ahsan. Allah Azza wa Jalla, dans le Coran, a ordonné au prophète sallam de débattre de la meilleure façon. Donc ce qui est interdit, ça n'est pas le débat. C'est d'avoir un mauvais comportement dans celui-ci. Ou de parler sans science. Mais de par leur ignorance, ils fuient le débat. Ils ont des ambiguïtés qu'Allah les guide à la sunna. De l'histoire d'Ibrahim alayhi salam, on tire le bon comportement et la sagesse dans la da'wah. Du comportement d'Ibrahim alayhi salam et de son prêche, on tire birrul walidayn, le bon comportement envers les parents. De l'histoire d'Ibrahim alayhi salam, on tire l'obligation de birrul walidayn, walau kan al-aba min al-mushrikin. L'obligation d'avoir un bon comportement envers les parents, même si ces derniers sont des polythéistes. Et de par cela, tu comprends la perfection de l'islam, qui rend obligatoire aux musulmans le bon comportement envers les musulmans, mais même envers les non-musulmans, même envers les hayawan, les animaux et la végétation, les arbres, et j'en passe. De l'histoire d'Ibrahim alayhi salam, tu vois le fait d'utiliser la douceur dans ton prêche et les mots les plus adéquats afin que celui à qui tu t'adresses accepte tes paroles et que son cœur s'adoucisse. Comme Ibrahim alayhi salam s'est dit, Ya Abati, Ya Abati, Ya Abati. Et il ne lui a pas dit, Anta Jahil, mais il lui a dit, j'ai reçu une science que tu n'as pas eue. Et ainsi de suite. Tu vois, As-sabr wa tahammul, l'endurance et le fait de supporter les mauvaises paroles. Tu viens aux gens avec la lumière et eux viennent à toi avec tout le mal. Mais c'est pas grave, tu endures pour Allah Azza wa Jal. Tu leur dis du bien, ils te disent le mal. C'est pas grave, tu endures pour Allah Azza wa Jal. Parce que tu sais que dans ta position, tu es un suiveur des prophètes. Tu es un suiveur des prophètes. Taqum bi wazifati al-anbiya, safwati khalqillah, tabaraka wa ta'ala. Tu es en train de mettre en pratique, quand tu fais da'wah, tu es dans la mission des meilleures créatures d'Allah Azza wa Jalla, da'wah. Il parle sur toi, il t'insulte, il lève la main sur toi, il te dénigre, médite sur toi. Peu importe, car tu es dans la plus grande adoration subie. Avec endurance. Comme on fait Ulil Azm min ar-Rusul. On voit aussi Al-Thabat ala dinillah. Son père l'a menacé, a essayé de le troubler, lui a mal parlé, lui a manqué de respect. Pourtant, Ibrahim alayhi salam est resté ferme sur la ilaha illallah, sur le tawhid, sur l'islam. Wa a'tazilukum wa tad'una min dunillah wa ad'u rabbi, asa la kuna bi du'a rabbi shaqi. De cela, on tire. Taïb, on va citer cette faïda par la suite. Taïb, concernant birrul walidayn, la piété envers le bon comportement envers les parents. Ibrahim alayhi salam est un musulman, il est soumis à Allah. Son père c'est quoi? C'est un mushrik, un adorateur des idoles. Plus encore, il a été dit qu'il les faisait lui-même, c'était un charpentier. Malgré ça, Ibrahim alayhi salam, regardez le comportement qu'il avait avec son père. Si cela est le cas pour un musulman avec un père kafir, que dire alors de ceux qui ont le bienfait d'avoir des parents musulmans? Peut-être que ton père est musulman. Il se prosterne pour Allah Azza wa Jal. Il jeûne le mois de Ramadan. Peut-être qu'il sort la zakat et accomplit le pèlerinage à la maison sacrée. Et tu n'arrives pas à avoir un bon comportement avec lui. Est-ce que tu penses que tu es bien guidé? Certaines personnes, également, lorsqu'Allah les comble de par l'islam, ils se comportent mal avec leurs parents. Parce que peut-être le père a des manquements. Peut-être qu'il ne vient pas au masjid, ou il se rase la barbe, ou peut-être que sa mère ne porte pas le hijab, ou qu'elle ne s'habille pas convenablement, et ainsi de suite. Cela ne doit pas te pousser à oublier ce droit immense qu'Allah Azza wa Jal leur a donné. Ce droit-là, ce n'est pas toi qui leur accorde. C'est Allah Azza wa Jal qui leur a donné. Haqqul walidayn, c'est un droit qu'Allah Azza wa Jal a légiféré. Ça n'est pas de ton ressort. Toi, tu n'as qu'à te soumettre. Toi, tu dois te soumettre à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc que les enfants craignent Allah Azza wa Jal envers leurs parents, qu'ils soient musulmans ou qu'ils soient non musulmans. Et regarde cette histoire avec Asma, la fille de Abu Bakr radiallahu anhu, lorsque sa mère est venue, elle n'était pas musulmane. Elle est partie voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: Inna ummi qad qadimat wa hiya raghiba. Ma mère est venue, elle veut y aller mon bien. Est-ce que je lis les liens avec elle, sachant que ça n'est pas une musulmane? Le prophète sallam lui a dit oui. Même si ce n'est pas une musulmane, oui. Il lui a dit oui. Donc ça, ça nous montre le comportement de l'enfant musulman avec les parents non musulmans. L'histoire de Abu Hurayra radiallahu anhu avec sa mère. Il l'appelait à l'islam, il l'appelait sans cesse à l'islam, et un jour elle lui a fait entendre de mauvaises paroles. Il est venu voir le prophète sallam, il était en train de pleurer. Il lui a dit: qu'est-ce qu'il se passe? Il lui a dit: j'appelle ma mère à l'islam, elle m'a fait entendre de mauvaises paroles sur toi. Elle m'a fait entendre de mauvaises paroles sur toi. Invoque Allah pour qu'il guide la mère de Abu Huraira à l'islam. Le prophète sallam a fait dua pour elle. Écoutez bien. Lorsque Abu Huraira est rentré chez lui, il a demandé la permission d'entrer, puis il a voulu entrer. Sa mère, elle lui a dit: Makalak, reste à ta place, n'entre pas. Puis elle est venue ouvrir la porte, elle s'était lavée, elle avait mis un hijab, elle a dit: Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasul. Abu Huraira est revenu voir le prophète sallam, peut-être en pleurs, mais cette fois-ci de joie. Et il lui a dit: Ya Rasulallah, Allah a guidé la mère de Abu Huraira à l'islam. Ya Rasulallah, invoque Allah. Invoque Allah. Écoutez la dua qu'a demandé Abu Huraira. Lorsqu'il a vu que la dua du prophète sallam a été exaucée, il lui a dit: demande à Allah qu'il fasse qu'il n'y ait pas un musulman ou une personne qui entende parler de moi ou de ma mère sans qu'il nous aime. Sans qu'il nous aime. Fanahnu hibbu Abu Huraira. Chaque musulman qui entend parler de Abu Huraira et de sa mère désormais les aime. Radiallahu anhum. Et Allah est témoin de l'amour qu'on porte à Abu Huraira et à sa noble mère. Radiallahu anhum. Donc ça, c'est un point très, très important et très subtil. Le comportement à avoir envers les parents, quand bien même ces derniers ne seraient pas musulmans. طيب. Allah dit dans le Coran: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Allah nous dit: nous avons commandé à l'homme, c'est-à-dire la bienfaisance, envers ses pères et mères. Sa mère l'a porté. Peine sur peine, c'est-à-dire subissant peine sur peine durant la grossesse. Et son sevrage a lieu en 2 ans. Sois reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents. Vers moi et la destination. Donc quel est l'ordre d'Allah Azza wa Jal? La bienfaisance envers les parents. Quelqu'un pourrait dire: oui, mais ça c'est envers les parents musulmans. Écoute la suite. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. الله عز وجل nous dit ensuite: et si tous deux te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, si ton père et ta mère te forcent à être un mushrik, ils te disent adore telle chose et donne des associés à Allah, sors de l'islam, et ils te forcent à cela et ils te contraignent à cela, Allah Azza wa Jal nous dit فَلَا تُتِعْهُمَا, ne leur obéis pas. Est-ce qu'on te dit réponds-leur avec dureté, insulte-les? Non, فَلَا تُتِعْهُمَا, ne leur obéis pas dans la désobéissance. Comme a dit le prophète sallam, il n'y a pas de désobéissance envers la créature, il n'y a pas d'obéissance en la créature si ça cause une désobéissance envers le créateur, tout simplement. فَلَا تُتِعْهُمَا, ne leur obéis pas, mais reste avec eux de façon convenable. Des parents qui t'obligent à faire du shirk akbar, Allah Azza wa Jal te dit vis avec eux avec un bon comportement. Subhanallah, hada huwa al-islam. Et en mettant en pratique ce comportement, bi'iznillah, tu auras pris le meilleur chemin pour voir demain tes parents se convertir. On a un ami qui a une mère qui était yahoudia, c'était une juive, et il l'appelait à l'islam et elle lui parlait avec la plus grande dureté, et par moments elle le faisait sortir de chez lui, de chez elle, elle lui parlait mal et il venait les larmes aux yeux et nous racontait ses problèmes. Subhanallah, un jour il vient et nous dit Allah a guidé ma mère à l'islam. Sa mère a guidé, Allah Azza wa Jalla a guidé sa mère à l'islam, mais pas qu'à cela. Ensuite, il a pris sa mère et a fait la hijra avec elle. Subhanallah. Ne désespère jamais de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et des gens qui disaient, jamais on entrera dans l'islam, au jour d'aujourd'hui, ils collent leurs pieds au vôtre dans la salat. Dans la salat. Et ils sont venus faire la shahad. Combien sont ceux-là? Wallahi, beaucoup. Des gens disaient au prophète sallam, Wallahi, avant, tu avais le visage que je détestais le plus au monde. Aujourd'hui, il n'y a pas un visage que j'aime le plus au monde que le tien. Donc ne désespère jamais de voir tes parents entrer dans l'islam s'ils ne sont pas s'ils ne sont pas musulmans. Et il faut faire ad-du'a. Et jamais ce se démotiver ni se décourager, car Allah Azza wa Jal, innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah, quand il veut une chose, il dit sois et allez. Wa ma dhalika ala Allah bi'aziz, ce n'est nullement difficile pour Allah subhanahu wa ta'ala que de guider la personne qui est en dehors de l'islam. طيب, on va finir sur quelques fawaïd. Ibrahim alayhi salam dhaha bi nafsi wa bi hayati lajlillah. Ibrahim alayhi salam a sacrifié sa vie pour Allah azza wa jalla et a préféré Allah azza wa jalla à son père, à sa terre, ainsi de suite. Et lorsqu'il n'a pas réussi à guider son peuple et son père, Hajar min al-Iraq, Allah Azza wa Jal, ou bien il est parti Naam de l'Irak, de Babil, il s'est dirigé vers Al-Sham, puis vers l'Égypte, puis vers la Mecque, et ainsi de suite. Taïb, il a fait plusieurs hijras pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il a délaissé tout cela pour Allah. Et il y a une grande règle que nous a dit le prophète sallam: Man taraka shay'an intiqa'an lillah, awadahu Allah khayran min. Cela doit être une règle dans votre vie. Celui qui délaisse une chose pour Allah, Allah lui remplace par mieux. Celui qui délaisse une chose pour Allah, Allah lui remplace par mieux. Ben regardez ce qui s'est passé ensuite. Allah subhanahu wa ta'ala à la fin de cette histoire nous dit: فَلَمَّا اَعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. Puis lorsqu'il se fut séparé d'eux, il les a délaissés et a fait la hijra. Et de ceux qu'ils adoraient en dehors d'Allah, les idoles, nous lui fîmes don de Ishaq et de Yaqub, c'est-à-dire après Ishaq et Yaqub, comme c'est venu dans un autre verset. Yaqub, c'est le petit-fils d'Ibrahim alayhi salam, le fils d'Ishaq. Nous lui fîmes don d'Ishaq et de Yaqub, et de chacun nous fîmes un prophète. Allah azza wa jalla, lorsqu'Ibrahim alayhi salam a délaissé pour Allah ce qu'il a délaissé, Allah azza wa jalla lui a accordé des enfants après avoir atteint un âge avancé. Et en plus, il a fait de ses enfants des prophètes. Il a fait de ses enfants des prophètes. Il lui a remplacé la terre de l'Irak par une terre bénie, Al-Sham. Il lui a remplacé la terre d'Irak par une meilleure terre, Al-Sham. Donc celui qui délaisse une chose pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala al-Karim lui accordera encore mieux. Et on tire de cela également que celui qui ne peut adorer Allah subhanahu wa ta'ala et mettre en pratique sa religion convenablement dans l'endroit où il se trouve, il a l'obligation de faire al-hijrah, l'égir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit la tanqati' al-hijrah hatta tanqati' at-tawbah wa la tanqati' at-tawbah hatta tanqati'a hatta tatlu' ash-shams min maghribiha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit le repentir, l'égir ne s'arrêtera pas tant que la porte du repentir ne s'arrêtera pas, ou tant que le repentir ne s'arrêtera pas, et le repentir ne s'arrêtera pas tant que le soleil ne se lèvera pas de l'autre côté. De cette histoire on tire également que ad-du'a ibad. Ad-du'a ibad. Quelle est la preuve de ça? وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي. Je m'éloigne de vous et de tout ce que vous invoquez en dehors d'Allah. Dans le verset suivant, فَلَمَّ اَعْتَزَلَمْ وَمَا يَعْبُدُونَ. On a appelé ad-du'a comment dans le verset suivant? Adoration. De cela on tire que ad-du'a c'est une adoration. Celui qui invoque un autre qu'Allah Azza wa Jal, ce dans quoi seul Allah Azza wa Jal est capable de lui donner, il aura fait donc du chiffre akbar yakhruj min al-islam. Ou celui qui invoque quelqu'un qui n'est pas vivant, ni ou présent, ou capable, taïb, qui est donc absent, ou maza, incapable, ou mort, il aura donné un égal à Allah Azza wa Jal dans une chose qui lui est propre, taïb, donc sort de par cela, sortira par cela de l'islam. Taïb, est-ce que vous avez compris la faïda? Dans le premier verset, on parle de ad-du'a. Tayyib, wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah wa ad'u rabbi. Et dans le verset suivant, falamma a'tazalum wa ma ya'budun, fa samma Allah ad-du'a 'ibada. Fa min dhalika nastafid anna ad-du'a 'ibada wa man sarafa shay'an min al-'ibadati li ghayri Allah fa huwa mushrikun kafir. Wa billahi at-tawfiq. On s'arrête sur cela pour les fawaïd de l'histoire d'Ibrahim alayhi salam avec Maza, avec son père. Et inshallah ta'ala, demain on reprend la suite de l'histoire de la vie d'Ibrahim alayhi salam. Et on demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous permettre de vivre la vie de nos prophètes et messagers et de tirer profit de leurs histoires. Wa sallallahumma wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillah alladhi bi tatimmu salihat.